Novembre, troisième partie. Quand je l'ai priée de me raconter son histoire, elle me dit « À toi, je le peux bien. Les autres mentiraient et commenceraient par te dire qu'elles n'ont pas toujours été ce qu'elles sont. Elles te feraient des comptes sur leur famille et sur leurs amours. Mais je ne veux pas te tromper, ni me faire passer pour une princesse. Écoute, tu vas voir si j'ai été heureuse. » Sais-tu que souvent j'ai eu envie de me tuer? Une fois on est arrivé dans ma chambre, j'étais à moitié asphyxiée. Oh, si je n'avais pas peur de l'enfer, il y a longtemps que ce serait fait. J'ai aussi peur de mourir. Ce moment-là a passé et m'effraie, et pourtant j'ai envie d'être morte. Je suis de la campagne. Notre père était fermier. Jusqu'à ma première communion, on m'envoyait tous les matins garder les vaches dans les champs. Toute la journée, je restais seule. Je m'asseyais au bord d'un fossé, à dormir, ou bien j'allais dans le bois dénicher des nids. Je montais aux arbres comme un garçon. Mes habits étaient toujours déchirés. Souvent, on m'a battue pour avoir volé des pommes ou laissé aller les bestiaux chez les voisins. Quand c'était la moisson et que le soir venu on dansait en rond dans la cour, j'entendais chanter des chansons où il y avait des choses que je ne comprenais pas. Les garçons embrassaient les filles, en riaient aux éclats. Cela m'attristait et me faisait rêver. Quelquefois, sur la route, en m'en retournant à la maison, je demandais à monter dans une voiture de foin. L'homme me prenait avec lui et me plaçait sur les bottes de luzerne. Croirais-tu que je finis par goûter un indicible plaisir à me sentir soulevée de terre par les mains fortes et robustes d'un gars solide qui avait la figure brûlée par le soleil et la poitrine tout en sueur. D'ordinaire, ses bras étaient retroussés jusqu'aux aisselles. J'aimais à toucher ses muscles qui faisaient des bosses et des creux à chaque mouvement de sa main et à me faire embrasser par lui pour me sentir râper la joue par sa barbe. Au bas de la prairie où j'allais tous les jours, il y avait un petit ruisseau entre deux rangées de peupliers, au bord duquel toutes sortes de fleurs poussaient. J'en faisais des bouquets, des couronnes, des chaînes. Avec des grains de sorbier, je me faisais des colliers. Et cela devint une manie. J'en avais toujours dans mon tablier plein. Mon père me grondait et disait que je ne serais jamais qu'une coquette. Dans ma petite chambre, j'en avais mis aussi. Quelquefois, cette quantité d'odeur-là m'enivrait et je m'assoupissais étourdi, mais jouissant de ce malaise. L'odeur du foin coupé, par exemple, du foin chaud et fermenté, m'a toujours semblé délicieuse, si bien que tous les dimanches, je m'enfermais dans la grange et passant tout mon après-midi à regarder les araignées filer leur toile au sommier et à entendre les mouches bourdonner. Je vivais comme une feignante, mais je devenais une belle fille et j'étais toute pleine de santé. Souvent, une espèce de folie me prenait, et je courais jusqu'à tomber, ou bien je chantais à tue-tête, ou je parlais seule et longtemps. D'étranges désirs me possédaient. Je regardais toujours les pigeons sur leurs colombiers qui se faisaient l'amour. Quelques-uns venaient jusque sous ma fenêtre s'ébattre au soleil et se jouer dans la vigne. La nuit, j'entendais encore le battement de leurs ailes et leur roucoulement, qui me semblait si doux, si suave, que j'aurais voulu être un pigeon comme eux et me tordre ainsi le cou comme ils faisaient pour s'embrasser. Que disent-ils donc, pensais-je, qu'ils ont l'air si heureux? Et je me rappelais aussi de quel air superbe j'avais vu courir les chevaux après les juments et comment leurs naseaux étaient ouverts. Je me rappelais la joie qui faisait frissonner la laine des brebis aux approches du bélier et le murmure des abeilles quand elles se suspendent en grappes aux arbres des vergers. Dans l'étable, souvent, je me glissais entre les animaux pour sentir l'émanation de leurs membres, vapeur de vie que j'aspirais à pleine poitrine, pour contempler furtivement leur nudité, où le vertige attirait toujours mes yeux troublés. D'autres fois, au détour d'un bois, au crépuscule surtout, les arbres eux-mêmes prenaient des formes singulières. C'était tantôt des bras qui s'élevaient vers le ciel, ou bien le tronc qui se tordait comme un corps sous les coups du vent. La nuit, quand je m'éveillais et qu'il y avait de la lune et des nuages, je voyais dans le ciel des choses qui m'épouvantaient et qui me faisaient envie. Je me souviens qu'une fois, la veille de Noël, j'ai vu une grande femme nue, debout, avec des yeux qui roulaient. Elle avait bien 100 pieds de haut, Mais elle alla, s'allongeant toujours en s'amincissant, et finit par se couper. Chaque membre resta séparé. La tête s'envola la première, tout le reste s'agitait encore. Bien je rêvais. À 10 ans déjà, j'avais des nuits fiévreuses, des nuits pleines de luxure. N'était-ce pas la luxure qui brillait dans mes yeux, coulait dans mon sang et me faisait bondir le cœur au frôlement de mes membres entre eux. Elle chantait éternellement dans mon oreille des cantiques de volupté. Dans mes visions, les chairs brillaient comme de l'or, des formes inconnues remuaient comme du vif argent répandu. À l'église, je regardais l'homme nu étalé sur la croix, et je redressais la tête, je remplissais ses flancs, je colorais tous ses membres, je levais ses paupières. Je me faisais devant moi un homme beau, avec un regard de feu. Je le détachais de la croix et je le faisais descendre vers moi, sur l'autel. L'encens l'entourait, il s'avançait dans la fumée et de sensuels frémissements me couraient sur la peau. Quand un homme me parlait, j'examinais son œil et le jet qui en sort. J'aimais surtout ceux dont les paupières remuent toujours, qui cachent leurs prunelles et qui les montrent, mouvements semblables au battement d'ailes d'un papillon de nuit. À travers leurs vêtements, je tâchais de surprendre le secret de leur sexe. Et là-dessus, j'interrogeais mes jeunes amis. J'épiais les baisers de mon père et de ma mère, et la nuit, le bruit de leurs couches. À 12 ans, je fis ma première communion. On m'avait fait venir de la ville une belle robe blanche. Nous avions toutes des ceintures bleues. J'avais voulu qu'on me mît les cheveux en papillote, comme à une dame. Avant de partir, je me regardais dans la glace. J'étais belle comme un amour. Je fus presque amoureuse de moi. J'aurais voulu pouvoir l'être. C'était aux environs de la fête Dieu. Les bonnes sœurs avaient rempli l'église de fleurs. On embaumait. Moi-même, depuis 3 jours, j'avais travaillé avec les autres à orner de jasmin la petite table sur laquelle on prononce les vœux. L'autel était couvert d'hyacinthes. Les marches du chœur étaient couvertes de tapis. Nous avions tous des gants blancs et un cierge dans la main. J'étais bien heureuse. Je me sentais faite pour cela. Pendant toute la messe, je remuais mes pieds sur le tapis, car il n'y en avait pas chez mon père. J'aurais voulu me coucher dessus avec ma belle robe et demeurer toute seule dans l'église au milieu des cierges allumés. Mon cœur battait d'une espérance nouvelle. J'attendais l'hostie avec anxiété. J'avais entendu dire que la première communion changeait et je croyais que le sacrement passé, tous mes désirs seraient calmés. Mais non. Rassise à ma place, je me retrouvais dans ma fournaise. J'avais remarqué que l'on m'avait regardé en allant vers le prêtre et qu'on m'avait admiré. Je me rengorgeais, je me trouvais belle, m'enorgueillissant vaguement de toutes les délices cachées en moi et que j'ignorais moi-même. À la sortie de la messe, nous défilâmes toutes en rang dans le cimetière. Les parents et les curieux étaient des deux côtés, dans l'herbe, pour nous voir passer. Je marchais la première, j'étais la plus grande. Pendant le dîner, je ne mangeais pas. J'avais le cœur tout oppressé. Ma mère, qui avait pleuré pendant l'office, avait encore les yeux rouges. Quelques voisins vinrent pour me féliciter et m'embrassèrent avec effusion. Leurs caresses me répugnaient. Le soir, aux vêpres, il y avait encore plus de monde que le matin. En face de nous, on avait disposé les garçons. Ils nous regardaient avidement, moi surtout. Même lorsque j'avais les yeux baissés, je sentais encore leurs regards. On les avait frisés, ils étaient en toilette, comme nous. Quand, après avoir chanté le premier couplet d'un cantique, ils reprenaient à leur tour, leur voix me soulevait l'âme, et quand elle s'éteignait, ma jouissance expirait avec elle. Et puis s'élançait de nouveau quand ils recommençaient. Je prononçais les vœux. Tout ce que je me rappelle, c'est que je parlais de robe blanche et d'innocence. Marie s'arrêta ici. Perdue sans doute dans l'émouvant souvenir par lequel elle avait peur d'être vaincue. Puis elle reprit en riant d'une manière désespérée. « Ah, la robe blanche, il y a bien longtemps qu'elle est usée, et l'innocence avec elle. Où sont les autres maintenant? Il y en a qui sont mortes, d'autres qui sont mariées et ont des enfants. Je n'en vois plus aucune, je ne connais personne. Tous les jours de l'an encore, je veux écrire à ma mère, mais je n'ose pas. » Et puis, bah, c'est bête tous ces sentiments-là. Se raidissant contre son émotion, elle continua. Le lendemain, qui était encore un jour de fête, un camarade vint pour jouer avec moi. Ma mère me dit, « Maintenant que tu es une grande fille, tu ne devrais plus aller avec les garçons. » Et elle nous sépara. Il n'en fallut pas plus pour me rendre amoureuse de celui-là. Je le recherchais. Je lui fis la cour. J'avais envie de m'enfuir avec lui de mon pays. Il devait m'épouser quand je serais grande. Je l'appelais mon mari, mon amant. Il n'osait pas. Un jour que nous étions seuls et que nous revenions ensemble du bois où nous avions été cueillir des fraises, en passant près d'un mulon, je me ruai sur lui et le couvrant de tout mon corps en l'embrassant à la bouche, je me mis à crier « Aime-moi donc, marions-nous, marions-nous » Il se dégagea de moi et s'enfuit. Depuis ce temps-là, je m'écartais de tout le monde et ne sortis plus de la ferme. Je vivais solitairement dans mes désirs, comme d'autres dans leurs jouissances. Disait-on qu'un tel avait enlevé une fille qu'on lui refusait, je m'imaginais être sa maîtresse, fuir avec lui en croupe à travers champs et le serrer dans mes bras. Si l'on parlait d'une noce, je me couchais vite dans le lit blanc comme la mariée. Je tremblais de crainte et de volupté. J'enviais jusqu'au beuglement plaintif des vaches lorsqu'elles mettent bas. En rêvant la cause, je jalousais leur douleur. À cette époque-là, mon père mourut. Ma mère m'emmena à la ville avec elle. Mon frère partit pour l'armée, où il est devenu capitaine. J'avais 16 ans quand nous partîmes de la maison. Je dis adieu pour toujours au bois, à la prairie, où était mon ruisseau. Adieu au portail de l'église, où j'avais passé de si bonnes heures à jouer au soleil. Adieu aussi à ma pauvre petite chambre. Je n'ai plus revu tout cela. Des grisettes du quartier, qui devinrent mes amies, me montrèrent leurs amoureux. J'allais avec elle en partie, je le regardais s'aimer et je me repaissais à loisir de ce spectacle. Tous les jours, c'était un nouveau prétexte pour m'absenter. Ma mère s'en aperçut bien. Elle m'en fit d'abord des reproches, puis finit par me laisser tranquille. Un jour enfin, une vieille femme que je connaissais depuis quelque temps me proposa de faire ma fortune, me disant qu'elle m'avait trouvé un amant fort riche, que le lendemain soir, je n'avais qu'à sortir, comme pour porter de l'ouvrage dans un faubourg, et qu'elle m'y mènerait. Pendant les 24 heures qui suivirent, je crus souvent que j'allais devenir folle. À mesure que l'heure approchait, le moment s'éloignait. Je n'avais que ce mot-là dans ma tête. Un amant. Un amant. J'allais avoir un amant. J'allais être aimée. J'allais donc aimer. Je mis d'abord mes souliers et mes plumes minces, puis, m'apercevant que mon pied s'évasait dedans, je pris des bottines. J'arrangeai également mes cheveux de 100 manières, en torsade, puis en bandeau, en papillote, en natte. À mesure que je me regardais dans la glace, je devenais plus belle, mais je ne l'étais pas assez. Mes habits étaient communs. J'en rougis de honte. Connaîtais-je une de ces femmes qui sont blanches au milieu de leur velours, toutes chargées de dentelles, sentant l'ambre et la rose, avec de la soie qui craque et des domestiques tout cousus d'or? Je maudis ma mère, ma vie passée, et je m'enfuis, poussée par toutes les tentations du diable, et d'avance les savourant toutes. Au détour d'une rue, un fiacre nous attendait. Nous montâmes dedans. Une heure après, il nous arrêta à la grille d'un parc. Après nous y être promenés quelque temps, je m'aperçus que la vieille m'avait quittée et je restais seule à marcher dans les allées. Les arbres étaient grands, tout couverts de feuilles, des bandes de gazon entouraient des plates-bandes de fleurs. Jamais je n'avais vu de si beaux jardins. Une rivière passait au milieu, des pierres disposées habilement çà et là formaient des cascades, des cygnes jouaient sur l'eau et les ailes enflées se laissaient pousser par le courant. Je m'amusais aussi à voir la volière, où des oiseaux de toutes sortes criaient et se balançaient sur leurs anneaux. Ils étalaient leurs queues panachées et passaient les uns devant les autres. C'était un éblouissement. Deux statues de marbre blanc au bas du perron se regardaient dans des poses charmantes. Le grand bassin d'en face était doré par le soleil couchant et donnait envie de s'y baigner. Je pensais à l'amant inconnu qui demeurait là. À chaque instant, je m'attendais à voir sortir d'un bosquet d'arbres quelque homme beau et marchant, fièrement comme un Apollon. Après le dîner, quand le bruit du château que j'entendais depuis longtemps se fut apaisé, mon maître parut. C'était un vieillard tout blanc et maigre, serré dans des habits trop justes, avec une croix d'honneur sur son habit et des dessous du pied qui l'empêchaient de remuer les genoux. Il avait un grand nez et des petits yeux verts qui avaient l'air méchants. Il m'aborda en souriant. Il n'avait plus de dents. Quand on sourit, il faut avoir une petite lèvre rose comme la tienne, avec un peu de moustache ou de boue, n'est-ce pas, cher ange? Nous nous assîmes ensemble sur un banc. Il me prit les mains, il me les trouva si jolies qu'il en baisait chaque doigt. Il me dit que si je voulais être sa maîtresse, rester sage et demeurer avec lui, je serais bien riche. J'aurais des domestiques pour me servir et tous les jours de belles robes. Je monterais à cheval, je me promènerais en voiture. Mais pour cela, disait-il, il fallait l'aimer. Je lui promis que je l'aimerais. Et cependant, aucune de ces flammes intérieures qui naguère me brûlaient les entrailles à l'approche des hommes ne m'arrivait. À force d'être à côté de lui et de me dire intérieurement que c'était celui-là dont j'allais être la maîtresse, je finis par en avoir envie. Quand il me dit de rentrer, je me levai vivement. Il était ravi, il tremblait de joie, le bonhomme. Après avoir traversé un beau salon où les meubles étaient tout dorés, il me mena dans ma chambre et voulut me déshabiller lui-même. Il commença par m'ôter mon bonnet, mais voulant ensuite me déchausser, il eut du mal à se baisser et me dit « C'est que je suis vieux, mon enfant ». Il était à genoux, il me suppliait du regard. Il ajouta en joignant les deux mains « Tu es si jolie ». J'avais peur de ce qui allait suivre. Un énorme lit était au fond de l'alcôve. Il m'y traîna en criant. Je me sentis noyée dans les édredons et dans les matelas. Son corps pesait sur moi avec un horrible supplice. Ses lèvres molles me couvraient de baisers froids. Le plafond de la chambre m'écrasait. Comme il était heureux. Comme il se pâmait. Tâchant à mon tour de trouver des jouissances, j'excitais les siennes à ce qu'il paraît. Mais que m'importait son plaisir à lui? C'était le mien qu'il me fallait. J'en inspirais de sa bouche creuse et de ses membres débiles. J'en évoquais de tout ce vieillard, et réunissant dans un incroyable effort tout ce que j'avais en moi de lubricité contenue, je ne parvins qu'au dégoût dans ma première nuit de débauche. À peine fut-il sorti que je me levais. J'allai à la fenêtre. Je l'ouvris, et je laissai l'air me refroidir la peau. J'aurais voulu que l'océan pût me laver de lui. Je refis mon lit, effaçant avec soin toutes les places où ce cadavre m'avait fatigué de ses convulsions. Toute la nuit se passa à pleurer. Désespérée, je rugissais comme un tigre qu'on a châtré. Ah, si tu étais venue alors, si nous nous étions connus dans ce temps-là, tu avais été du même âge que moi, c'est alors que nous nous serions aimés. Quand j'avais 16 ans, que mon cœur était neuf, toute notre vie se fût passée à cela. Mes bras se seraient usés à t'étreindre sur moi, mes yeux à plonger dans les tiens. » Elle continua. « Grande dame, je me levai à midi. J'avais une livrée qui me suivait partout et une calèche où je m'étendais sur les coussins. Ma bête de race sautait merveilleusement par-dessus le tronc des arbres et la plume noire de mon chapeau d'amazone remuait avec grâce. Mais devenue riche du jour au lendemain, tout ce luxe m'excitait au lieu de m'apaiser. Bientôt, on me reconnut. Ce fut à celui qui m'aurait. Mes amants faisaient des folies pour me plaire. Tous les soirs, je lisais les billets doux de la journée pour y trouver l'expression nouvelle de quelques cœurs autrement moulés que les autres et faits pour moi. Mais tous se ressemblaient. Je savais d'avance la fin de leurs phrases et la manière dont ils allaient tomber à genoux. Il y en a deux que j'ai repoussés par caprice et qui se sont tués. Leur mort ne m'a point touchée. Pourquoi mourir? Que n'ont-ils plutôt tout franchi pour m'avoir? Si j'aimais un homme, moi, il n'y aurait pas de mer assez large ni de murs assez hauts pour m'empêcher d'arriver jusqu'à lui, comme je me serais bien entendu. Si j'avais été un homme à corrompre les gardiens, à monter la nuit aux fenêtres et à étouffer sous ma bouche les cris de ma victime, trompée chaque matin de l'espoir que j'avais eu la veille. Je les chassais avec colère et j'en prenais d'autres. L'uniformité du plaisir me désespérait, et je courais à sa poursuite avec frénésie, toujours altérée de jouissances nouvelles et magnifiquement rêvées, semblables aux marins en détresse qui boivent de l'eau de mer et ne peuvent s'empêcher d'en boire tant la soif les brûle. Dandys et rustaux, j'ai voulu voir si tous étaient de même. J'ai goûté la passion des hommes aux mains blanches et grasses, aux cheveux teints collés sur les tempes. J'ai eu de pâles adolescents, blonds, efféminés comme des filles, qui se mouraient sur moi. Les vieillards aussi m'ont sali de leur joie décrépite, et j'ai contemplé au réveil leurs poitrines oppressées, leurs yeux éteints. Sur un banc de bois dans un cabaret de village, entre un pot de vin et une pipe de tabac, l'homme du peuple aussi m'a embrassé avec violence. Je me suis fait comme lui une joie épaisse et des allures faciles. Mais la canaille ne fait pas mieux l'amour que la noblesse, et la botte de paille n'est pas plus chaude que les sofas. Je me suis dévouée à quelques-uns comme une esclave, et ils ne m'en aimaient pas davantage. J'ai eu pour des sots des bassesses infâmes, et en échange, ils me haïssaient et me méprisaient, alors que j'aurais voulu centupler mes caresses et les inonder de bonheur. Espérant enfin que les gens difformes pourraient mieux aimer que les autres et que les natures rachitiques se raccrochaient à la vie par la volupté, je me suis donnée à des bossus, à des nègres, à des nains. Je leur fis des nuits à rendre jaloux des millionnaires, mais je les épouvantais peut-être, car ils me quittaient vite. Ni les pauvres, ni les riches, ni les laids n'ont pu assouvir l'amour que je leur demandais à remplir. Tous, faibles, languissants, conçus dans l'ennui, avortons faits par des paralytiques que le vin enivre, que la femme tue, craignant de mourir dans les draps comme on meurt à la guerre, il n'en est pas un que je n'ai vu lasser dès la première heure. Il n'y a donc plus sur terre de ces jeunesses divines comme autrefois, plus de Bacchus, plus d'Apollon, plus de ces héros qui marchaient nus, couronnés de pampres et de lauriers. J'étais faite pour être la maîtresse d'un empereur, moi. Il me fallait l'amour d'un bandit, sur un roc dur par un soleil d'Afrique. J'ai souhaité les enlacements des serpents et les baisers rugissants que donnent les lions. À cette époque, je lisais beaucoup. Il y a deux livres que j'ai relus 100 fois, Paul et Virginie et un autre qui s'appelait « Les crimes des reines ». On voyait les portraits de Messaline, de Théodora, de Marguerite de Bourgogne, de Marie Stuart et de Catherine II. Être reine, me disais-je, et rendre la foule amoureuse de moi. Eh bien, j'ai été reine, reine comme on peut l'être maintenant. En entrant dans ma loge, je promenais sur le public un regard triomphant, provocateur. 1000 têtes suivaient le mouvement de mes sourcils, je dominais tout par l'insolence de ma beauté. Fatiguée cependant de toujours poursuivre un amant, et plus que jamais en voulant à tout prix, ayant d'ailleurs fait du vice un supplice qui m'était cher, je suis accourue ici, le cœur enflammé, comme si j'avais encore une virginité à vendre. Raffinée, je me résignais à vivre mal, opulente à m'endormir dans la misère, car, à force de descendre si bas, je n'aspirais peut-être plus à monter éternellement. À mesure que mes organes s'useraient, mes désirs s'apaiseraient, sans doute. Je voulais par là en finir d'un seul coup, et me dégoûter pour toujours de ce que j'enviais avec tant de ferveur. Oui, moi qui ai pris des bains de fraises et de lait, je suis venue ici m'étendre sur le grabat commun où la foule passe. Au lieu d'être la maîtresse d'un seul, je me suis fait la servante de tous. Et quel rude maître j'ai pris là! Plus de feu l'hiver, plus de vin fin à mes repas. Il y a un an que j'ai la même robe, mais qu'importe. Mon métier n'est-il pas d'être nu? Mais ma dernière pensée, mon dernier espoir, le sais-tu? Oh, j'y comptais. C'était de trouver un jour ce que je n'avais jamais rencontré. L'homme qui m'a toujours fui, que j'ai poursuivi dans le lit des élégants, au balcon des théâtres. Chimère qui n'est que dans mon cœur et que je veux tenir dans mes mains. Un beau jour, espérais-je, quelqu'un viendra sans doute. Dans le nombre, cela doit être. Plus grand, plus noble, plus fort. Ses yeux seront fendus comme ceux des sultanes. Sa voix se modulera dans une mélodie lascive. Ses membres auront la souplesse terrible et voluptueuse des léopards. Il sentira les odeurs à faire pâmer et ses dents mordront avec délice ce sein qui se gonfle pour lui. À chaque arrivant, je me disais « Est-ce lui ? Qu'il m'aime ? Qu'il m'aime ? Qu'il me batte ? Qu'il me brise ? À moi seul, je lui ferai un sérail. Je connais quelle fleur excite, quelle boisson vous exalte, et comment la fatigue même se transforme en délicieuse extase, coquette quand il le voudra, pour irriter sa vanité ou amuser son esprit. Tout d'un coup, il me trouvera langoureuse, pliante comme un roseau, exhalant des mots doux et des soupirs tendres. Pour lui, je me tordrai dans des mouvements de couleuvre. La nuit, j'aurai des soubresauts furieux et des crispations qui déchirent. Dans un pays chaud, en buvant du vin dans du cristal, je lui danserai avec des castagnettes des danses espagnoles, où je bondirai en hurlant un hymne de guerre, comme les femmes des sauvages. S'il est amoureux des statues et des tableaux, je me ferai des poses de grand maître devant lesquelles il tombera à genoux. S'il est mieux que je sois son ami, je m'habillerai en homme et j'irai à la chasse avec lui. Je l'aiderai dans ses vengeances. S'il veut assassiner quelqu'un, je ferai le guet pour lui. Si les voleurs, nous volerons ensemble. J'aimerais ses habits et le manteau qui l'enveloppe. Mais non, jamais, jamais, le temps a beau s'écouler et les matins revenir, on a en vain usé chaque place de mon corps, par toutes les voluptés dont se régalaient les hommes. Je suis restée comme j'étais à 10 ans, vierge. Si une vierge est celle qui n'a pas de mari, pas d'amant, qui n'a pas connu le plaisir et qui le rêve sans cesse, qui se fait des fantômes charmants et qui les voit dans ses songes, qui en entend la voix dans le bruit des vents, qui en cherche les traits dans la figure de la lune, je suis vierge. Cela te fait rire, mais n'en ai-je pas les vagues pressentiments, les ardentes langueurs? J'en ai tout, sauf la virginité elle-même. Regarde au chevet de mon lit toutes ces lignes entrecroisées sur l'acajou. Ce sont les marques d'ongles de tous ceux qui s'y sont débattus, de tous ceux dont les têtes ont frotté là. Je n'ai jamais eu rien de commun avec eux. Unis ensemble aussi étroitement que les bras humains peuvent le permettre, je ne sais quel abîme en a toujours séparé. Oh, que de fois, tandis qu'égarés, ils auraient voulu s'abîmer tout entier dans la jouissance, mentalement, je m'écartais à 1000 lieues de là pour partager la natte d'un sauvage ou l'antre garni de peau de mouton de quelques bergers des Abruzzes. Aucun, en effet, ne vient pour moi. Aucun ne me connaît. Ils cherchent peut-être en moi une certaine femme, comme je cherche en eux un certain homme. N'y a-t-il pas dans les rues plus d'un chien qui s'en va, flairant dans l'ordure pour trouver des os de poulet et des morceaux de viande? De même, qui saura tous les amours exaltés qui s'abattent sur une fille publique, toutes les belles élégies qui finissent dans le bonjour qu'on lui adresse? Combien j'en ai vu arriver ici le cœur gros de dépit et les yeux pleins de larmes? Les uns au sortir d'un bal, pour résumer sur une seule femme toutes celles qu'ils venaient de quitter. Les autres, après un mariage, exaltés à l'idée de l'innocence. Et puis des jeunes gens pour toucher à loisir leur maîtresse, à qui ils n'osent parler, fermant les yeux et la voyant ainsi dans leur cœur. Des maris pour se refaire jeunes et savourer les plaisirs faciles de leur bon temps. Des prêtres, poussés par le démon, et ne voulant pas d'une femme, mais d'une courtisane, mais du péché incarné, ils me maudissent, ils ont peur de moi, et ils m'adorent. Pour que la tentation soit plus forte et l'effroi plus grand, ils voudraient que j'eusse le pied fourchu et que ma robe étincelât de pierreries. Tous passent tristement, uniformément, comme des ombres qui se succèdent, comme une foule dont on ne garde plus que le souvenir du bruit qu'elle faisait, du piétinement de ses 1000 pieds, des clameurs confuses qui en sortaient. Sais-je en effet le nom d'un seul. Ils viennent et ils me quittent, jamais une caresse désintéressée, et ils en demandent, ils demanderaient de l'amour s'ils osaient. Il faut les appeler beaux, les supposer riches, et ils sourient. Et puis, ils aiment à rire, quelquefois, il faut chanter ou se taire ou parler. Dans cette femme si connue, personne ne s'est douté qu'il y avait un cœur. Imbécile qui louait l'arc de mes sourcils et l'éclat de mes épaules, tout heureux d'avoir à bon marché un morceau de roi et qui ne prenait pas cet amour inextinguible, courait au-devant d'eux et se jetait à leurs genoux. J'en vois pourtant qui ont des amants, même ici, de vrais amants qui les aiment. Elles leur font une place à part, dans leur lit comme dans leur âme. Et quand ils viennent, elles sont heureuses. C'est pour eux, vois-tu, qu'elles se peignent si longuement les cheveux, qu'elles arrosent les pots de fleurs qui sont à leurs fenêtres. Mais moi, personne. Personne. Pas même l'affection paisible d'un pauvre enfant, car on la leur montre du doigt, la prostituée, et ils passent devant elle sans lever la tête. Qu'il y a longtemps, mon Dieu, que je ne suis sortie dans les champs et que je n'ai vu la campagne. Que de dimanches j'ai passé à entendre le son de ces tristes cloches qui appellent tout le monde aux offices où je ne vais pas. Qu'il y a longtemps que je n'ai entendu le grelot des vaches dans le taillis. Ah, je veux m'en aller d'ici. Je m'ennuie, je m'ennuie. Je retournerai au pays. J'irai chez ma nourrice. C'est une brave femme qui me recevra bien. Quand j'étais toute petite, j'allais chez elle et elle me donnait du lait. Je l'aiderai à élever ses enfants et à faire le ménage. J'irai ramasser du bois mort dans la forêt. Nous nous chaufferons le soir au coin du feu quand il neigera. Voilà bientôt l'hiver. Au roi, nous tirerons les gâteaux. Oh, elle m'aimera bien. Je bercerai les enfants pour les endormir, comme je serai heureuse. » Elle se tut, puis releva sur moi un regard étincelant à travers ses larmes, comme pour me dire « Est-ce toi ?» Je l'avais écouté avec avidité. J'avais regardé tous les mots sortir de sa bouche, tâchant de m'identifier à la vie qu'ils exprimaient. Agrandie tout d'un coup à des proportions que je lui prêtais, sans doute, elle me parut une femme nouvelle, pleine de mystères ignorés, et malgré mes rapports avec elle, toute tentante d'un charme irritant et d'attrait nouveau. Les hommes, en effet, qui l'avaient possédée avaient laissé sur elle comme une odeur de parfum éteint, trace de passion disparue, qui lui faisait une majesté voluptueuse. La débauche la décorait d'une beauté infernale. Sans les orgies passées, aurait-elle eu ce sourire de suicide qui la faisait ressembler à une morte se réveillant dans l'amour? Sa joue en était plus apâlie, ses cheveux plus élastiques et plus odorants, ses membres plus souples, plus mous et plus chauds. Comme moi aussi, elle avait marché de joie en chagrin, couru d'espérance en dégoût, des abattements sans nom avaient succédé à des spasmes fous. Sans nous connaître, elle dans sa prostitution et moi dans ma chasteté, nous avions suivi le même chemin aboutissant au même gouffre. Pendant que je me cherchais une maîtresse, elle s'était cherchée un amant, elle dans le monde, moi dans mon cœur, l'un et l'autre nous avaient fui. « Pauvre femme, lui dis-je en la serrant sur moi, comme tu as dû souffrir. Tu as donc souffert quelque chose de semblable ? » me répondit-elle. Est-ce que tu es comme moi? Est-ce que souvent tu as trempé ton oreiller de larmes? Est-ce que pour toi, les jours de soleil en hiver sont aussi tristes? Quand il fait du brouillard le soir et que je marche seule, il me semble que la pluie traverse mon cœur et la fait tomber en débris. Je doute pourtant que tu te sois jamais aussi ennuyée que moi dans le monde. Tu as eu des jours de plaisir, mais moi, c'est comme si j'étais née en prison. J'ai mille choses qui n'ont pas vu la lumière. Tu es si jeune, cependant. Au fait, tous les hommes sont vieux maintenant. Les enfants se trouvent dégoûtés comme les vieillards. Nos mères s'ennuyaient quand elles nous ont conçus. On n'était pas comme cela autrefois, n'est-ce pas vrai? C'est vrai, repris-je. Les maisons où nous habitions sont toutes pareilles, blanches et mornes comme des tombes dans des cimetières. Dans des vieilles baraques noires qu'on démolit, la vie devait être plus chaude. On y chantait fort, on y brisait les brocs sur les tables, on y cassait les lits en faisant l'amour. « Mais qui te rend si triste? Tu as donc bien aimé ?»« Si j'ai aimé, mon Dieu, assez pour envier ta vie. »« Envier ma vie ? » dit-elle. « Oui, l'envier, car à ta place j'aurais peut-être été heureux. Car si un homme comme tu le désires n'existe pas, une femme comme j'en veux doit vivre quelque part. Parmi tant de cœurs qui battent, il doit s'en trouver un pour moi. Cherche-le ! Cherche-le ! Ah, si j'ai aimé, si bien que je suis saturée de désir rentré. Non, tu ne seras jamais toutes celles qui m'ont égarée et que dans le fond de mon cœur j'abritais d'un amour angélique. Écoute, quand j'avais vécu un jour avec une femme, je me disais, que ne l'ai-je connue depuis 10 ans? Tous ces jours qui ont fui m'appartenaient. Son premier sourire devait être pour moi, sa première pensée au monde pour moi. Des gens viennent et lui parlent, et elle leur répond, elle y pense. Les livres qu'elle admire, j'aurais dû les lire. Que ne me suis-je promenée avec elle sous tous les ombrages qui l'ont abritée? Il y a bien des robes qu'elle a usées et que je n'ai pas vues. Elle a entendu dans sa vie les plus beaux opéras et je n'étais pas là. D'autres lui ont déjà fait sentir les fleurs que je n'ai pas cueillies. Je ne pourrai rien faire, elle m'oubliera. Je suis pour elle comme un passant dans la rue. Et quand j'étais séparée, je me disais... Où est-elle? Que fait-elle toute la journée loin de moi? À quoi son temps se passe-t-il? Qu'une femme aime un homme, qu'elle lui fasse signe et il tombe à genoux. Mais nous, quel hasard qu'elle vienne à nous regarder. Et encore, il faut être riche, avoir des chevaux qui vous emportent, avoir une maison ornée de statues, donner des fêtes, jeter l'or, faire du bruit. Mais vivre dans la foule sans pouvoir la dominer par le génie ou par l'argent et demeurer ainsi inconnu que le plus lâche et le plus sot de tous, quand on aspire à des amours du ciel, quand on mourrait avec joie sous le regard d'une femme aimée, j'ai connu ce supplice. Tu es timide, n'est-ce pas? Elles te font peur. Plus maintenant. Autrefois, le bruit de leurs pas seulement me faisait tressaillir. Je restais devant la boutique d'un coiffeur à regarder les belles figures de cire avec des fleurs et des diamants dans les cheveux, roses, blanches et décolletées. J'ai été amoureux de quelques-unes. L'étalage d'un cordonnier me tenait aussi bien en extase. Dans ces petits souliers de satin que l'on allait emporter pour le bal du soir, je plaçais un pied nu, un pied charmant avec des ongles fins, un pied d'albâtre vivant tel que celui d'une princesse qui entre au bain. Les corsets suspendus devant les magasins de mode et que le vent fait remuer me donnaient également de bizarres envies. J'ai offert des bouquets de fleurs à des femmes que je n'aimais pas, espérant que l'amour viendrait par là. Je l'avais entendu dire. J'ai écrit des lettres adressées à n'importe qui pour m'attendrir avec la plume. Et j'ai pleuré. Le moindre sourire d'une bouche de femme me faisait fondre le cœur en délices. Et puis c'était tout. Tant de bonheur n'était pas fait pour moi. Qu'est-ce qu'il pouvait m'aimer ? Attends, attends encore un an, 6 mois, demain peut-être, espère. J'ai trop espéré pour obtenir. Tu parles comme un enfant, me dit-elle. Non, je ne vois même pas d'amour dont je ne serai rassasiée au bout de 24 heures. J'ai tant rêvé le sentiment que j'en suis fatiguée, comme ce que l'on a trop fortement chéri. Il n'y a pourtant que cela de beau au monde. À qui le dis-tu ? Je donnerais tout pour passer une seule nuit avec une femme qui m'aimerait. Oh, si au lieu de cacher ton cœur, tu laissais voir tout ce qui bat dedans de généreux et de bon, toutes les femmes voudraient de toi. Il n'en est pas une qui ne tâcherait d'être ta maîtresse. Mais tu as été encore plus fou que moi encore. Fais ton quart des trésors enfouis. Les coquettes seules devinent les gens comme toi et les torturent, mais les autres ne les voient pas. Tu valais pourtant la peine qu'on t'aimât. Eh bien, tant mieux, c'est moi qui t'aimerai, c'est moi qui serai ta maîtresse. Ma maîtresse ? Oh, je t'en prie, je te suivrai où tu voudras. Je partirai d'ici, j'irai louer une chambre en face de toi. Je te regarderai toute la journée, comme je t'aimerais. Être avec toi le soir, le matin, la nuit, dormir ensemble, les bras passés autour du corps, manger à la même table, vis-à-vis l'un de l'autre, nous habiller dans la même chambre, sortir ensemble et te sentir près de moi. Ne sommes-nous pas faits l'un pour l'autre ? Tes espérances ne vont-elles pas bien avec mes dégoûts ? Ta vie et la mienne, n'est-ce pas la même ? Tu me raconteras tous les ennuis de ta solitude. Je te redirai les supplices que j'ai endurés. Il faudra vivre comme si nous ne devions rester ensemble qu'une heure, épuiser tout ce qu'il y a en nous de volupté, de tendresse, et puis recommencer, mourir ensemble. Embrasse-moi, embrasse-moi encore. Mets ta tête sur ma poitrine, que j'en sente bien le poids, que tes cheveux me caressent le cou, que mes mains parcourent tes épaules, ton regard est si tendre. La couverture des fêtes qui pendait à terre laissait nos pieds à nu. Elle se releva sur les genoux et la repoussa sous le matelas. Je vis son dos blanc se courber comme un roseau. Les insomnies de la nuit m'avaient brisé, mon front était lourd, les yeux me brûlaient les paupières. Elle me les baisa doucement du bout des lèvres, ce qui me les rafraîchit, comme si on me les eût humectés avec de l'eau froide. Elle aussi se réveillait de plus en plus de la torpeur où elle s'était laissée aller un instant. Irritée par la fatigue, enflammée par le goût des caresses précédentes, elle m'étreignit avec une volupté désespérée en me disant « Aimons-nous, puisque personne ne nous a aimés, tu es à moi ». Elle haletait, la bouche ouverte, et m'embrassait furieusement. Puis tout d'un coup, se reprenant et passant sa main sur ses bandeaux dérangés, elle ajouta « Écoute, comme notre vie serait belle si c'était ainsi, si nous pouvions demeurer dans un pays où le soleil fait pousser des fleurs jaunes et mûrit les oranges sur un rivage comme il y en a à ce qu'il paraît, où les hommes portent des turbans, où les femmes ont des robes de gaze, nous demeurions couchés sous quelques grands arbres à larges feuilles, nous écouterions le bruit des golfes, nous marcherions ensemble au bord des flots pour ramasser des coquilles, je ferais des paniers avec des roseaux, tu iras les vendre, c'est moi qui t'habillerai, je friserai tes cheveux dans mes doigts, je te mettrai un collier autour du cou. Oh, comme je t'aimerai, comme je t'aime, laisse-moi donc m'assouvir de toi. » Me collant à sa couche d'un mouvement impétueux, elle s'abattit sur tout mon corps et s'y étendit avec une joie obscène, pâle, frissonnante, les dents serrées, avec une force enragée. Je me sentis entraînée comme dans un ouragan d'amour. Des sanglots éclataient, et puis des cris aigus. Ma lèvre humide de sa salive pétillait et me démangeait. Nos muscles tordus dans les mêmes nœuds se serraient et entraient les uns dans les autres. La volupté se tournait en délire, la jouissance en supplice. Ouvrant tout d'un coup les yeux ébahis et épouvantés, elle dit « Si j'allais avoir un enfant !» et passant au contraire à une câlinerie suppliante. « Oui, oui, un enfant de toi. Tu me quittes, nous ne nous reverrons plus. Jamais tu ne reviendras. Penseras-tu à moi quelquefois? J'aurai toujours tes cheveux là. Adieu, attends, il fait à peine jour. » Pourquoi donc avais-je hâte de la fuir? Est-ce que déjà je l'aimais? Marie ne me parla plus, quoique je restasse bien encore une demi-heure chez elle. Elle songeait peut-être à l'amant absent. Il y a un instant dans le départ où, par anticipation de tristesse, la personne aimée n'est déjà plus avec vous. Nous ne nous fîmes pas d'adieu. Je lui pris la main, elle y répondit, mais la force pour la serrer était restée dans son cœur. Je ne l'ai plus revue.